Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde, lorsque le ciel se lézardera, se soumettra à son Seigneur et sera dominé, que la terre sera tendue, rejettera ce qu'elle porte et s'en défera, se soumettra à son Seigneur et sera dominé, humain, tu viendras au devant de ton Seigneur et feras sa rencontre.